ce jour, en Corée du Sud, un rassemblement pan-national contre l'aggravation de la loi du travail par les autorités a eu lieu à Séoul le premier courant sous les auspices de la Direction de lutte pour la mobilisation générale des masses 2016 et de la Direction de lutte Paengnam-gi. Y étaient présents plus de 30 000 personnes de tous les paliers, dont les syndiqués de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques, les membres des formations civiles et sociales et d'autres habitants. D'autre part, les enseignants de toutes les régions relevant du syndicat national des enseignants se sont réunis en meeting à Séoul contre la politique vicieuse des autorités en matière d'éducation. Par ailleurs, les handicapés ont tenu un meeting le 28 septembre devant le siège gouvernemental à Séoul et déclaré une lutte contre la politique antipopulaire de la bande de Bakounet.